Yo, Hachi, ça biche ? Yo, y'a pas, un dimanche ensoleillé, c'est quand même cool. Carrément, mais bon, vu le boulot qu'on a à faire, ça m'étonnerait qu'on puisse mettre le nez dehors. Ouais, on en a au moins pour 2 heures, rien que pour le devoir de Snap. Voir les 5 premiers épisodes de Gunning Sword et faire un compte-rendu détaillé sur le caractère design de chaque perso. Tu parles d'une galère. Emiton, elle est où ? À la médiathèque, à mon avis. Je l'ai vue en coup de vent ce matin quand je suis allé déjeuner. Elle m'a dit qu'elle devait étudier pour son bulot. Son boulot, Hachi. Non, le bulot. Le brevet universel de légendaire otaku. Mais elle est tarée ! C'est en 5e année, ça, non ? Encore un peu et dans 15 jours, elle bosse pour les asticots de fin d'études. C'est quoi ça, déjà ? C'est l'agrégation de sensei taciturne irrésistible et carrément otaku. Qui est le taré qui a appelé ça comme ça ? J'en sais rien, moi, mais à tous les coups, Emiton le sait. On lui posera la question. Bref, en attendant, on a du but, on a du travail. Par quoi on commence ? On doit apprendre la chanson des mystérieuses cités d'or pour le cours du vieux Vodkalise. Ouais, ça on s'en fout, c'est pas noté. C'est encore le début de l'année, les profs vont encore interroger Emiton jusqu'à ce qu'il cale qu'elle est trop saoulante. Y'a des chances, t'as raison. J'ai pas envie de bosser. J'irais bien me balader avec Gou, mais elle m'a dit que ce matin elle devait extorquer du fric aux élèves de sa classe. Du coup, elle est un peu occupée. Ouais. D'ailleurs, si tu pouvais lui dire de rendre sa peluche Hello Kitty à Sénil, ça serait cool parce qu'hier soir il a pas arrêté de chialer au lit. J'ai entendu ça. D'ailleurs, c'est moi qui l'ai baïonné, je te rappelle. Sinon, on a quoi ? Ah ouais, y'a Epave là qui nous a filé une liste de jeux à finir pour le trimestre. Viens, on va dans la salle commune voir s'il y a des consoles de libre. Ouah, tu gaffes, Samus, tu monopolises déjà la PS3. Laisse tomber, de toute manière, on n'aura pas fini God of War 3 avant fin septembre. Ouais, mais ça m'énerve, il joue à GTA 4, là, c'est pas au programme, ça. Calmos, sinon on doit s'entraîner sur Mario Kart 8. Ouais, bah y'a des 4e années qui font exploser dessus, là, c'est même pas la peine de toucher à la console avant le prochain week-end. Bon, alors, sinon, en rétro gaming, on doit finir Jurassic Park sur Game Boy. Tiens, y'en a une, là. Ouais, non, j'en ai déjà marre, là. On aura qu'à piquer la cartouche à Sourdine quand il en sera au dernier niveau. Ouais, bon, viens, on se casse. On monte dans le dortoir. Deuxième année, vous pourriez jouer au go dehors, il fait beau. Ça fait du bien quand ça s'arrête, n'empêche. À croire qu'ils sont tous contents de bosser. C'est clair. Tiens, j'ai lu Hitman Reborn pour le cours de manga hier soir. Ouais, moi, je le materai en animé, j'ai pas envie de le lire. Et j'ai toujours pas d'idée de cosplay d'ailleurs. C'est chaud de trouver un truc qui te fait pas passer pour un blaireau. Au pire, tu pourras toujours acheter un costume tout fait. J'ai pas d'argent, moi je te rappelle. Bon, du coup, il nous reste le projet de binôme du premier semestre, t'as une idée ? Toujours pas. C'est sujet libre, c'est ça ? Du moment que ça touche de près ou de loin à la culture Jap, on pourrait préparer des sushis ou un truc dans le genre. Bah, j'ai entendu dire que les nanas de Silverhawks vont pêcher du thon rouge pour leur maquis, alors c'est même pas la peine de rivaliser. Ah vache, c'est quoi ce truc ? Ça va, Chi ? Tu t'es pas fait mal ? Ça, j'ai trébuché sur une latte qui sort du plancher. Eh ben. Attends, regarde ça! Ouais, excellent, une vieille station de radio. Génial! C'est sûrement un des anciens étudiants qui avait planqué ça là. Tu crois qu'on pourrait la réparer? Il y a plein de postes un peu partout dans l'école, on pourrait faire une émission de radio sur les mangas. Excellent! T'inquiète, Tachi, je gère en nouvelles technologies. Mon père aime réparer des trucs. Ça, c'est cool. Pendant ce temps, fais un tour des temples de Jobar et essaye d'en allumer le plus possible sur le canal 3. J'y vais, ouais, on se revoit dans une demi-heure. Me revoilà, mission complete. J'ai rencontré Ruzard Gay qui fouettait sa chatte, Miss Touffe. Je suis allé dans son bureau et j'ai activé les haut-parleurs de l'école sur la fréquence. Yeah! J'ai également refilé un petit somnifère à Dumbanawa au cas où. Moi j'ai fait une petite install tranquillou, on couvre une zone qui va jusqu'au village. Table de mixage, micro, platine vinyle et j'ai branché ton PC pour le lecteur de CD et la diffusion en direct sur le net. Bien joué! Bref, on commence? On y go. 1-2-1-2, et c'est micro. Hachi est un pervers. Je répète, Hachi est un pervers. Ça va, voilà. Bah ça fonctionne. T'as pas un petit générique en stock, là ? Attends, je regarde. Y'a de l'idée, mais c'est pas trop dans l'esprit. Bon, j'essaye ça, alors. Là, tu t'égares, à mon avis. T'as plutôt dans du manga japonais. Ah, j'ai trouvé un bon truc. Ok, je te fais confiance. On se met en onde ? C'est parti ! Mettez le son à fond. Voici l'heure de votre émission préférée, le Kamisama Show. Ouais, ouais. Top Télé Réaouz. Salut, Hachi. Et salut Juan. C'est parti pour la quotidienne et on a du lourd aujourd'hui, rien que du lourd. Au sommaire des news, la musique évidemment, la rubrique nouvelles technologies et un petit bonus sur la fin bande de vénères, bande de chanceux. Je vous rappelle que le numéro du standard est le 5550123 et que vous pouvez nous envoyer vos SMS et vos emails haineux à partir du site de Netophonie. Sans plus attendre, mon cher Hachi, on va commencer avec cette nouvelle importante qui nous annonce que le tome 27 de Hunter x Hunter devrait sortir pour la Japan Expo 2010. Ne le manquez pas parce qu'il y a du très très haut niveau. Effectivement, Ronald, on ne loupera pas cet événement. Bon courage à l'auteur. Sinon, on annonce la sortie du coffret 60 DVD Naruto Shippuden à 799,99€. Deux épisodes par DVD et seulement en version française. Avis à tous les fans. D'autre part, nous apprenons avec tristesse la fin du manga Full Metal Alchemist au chapitre 108. Je vous rappelle au passage qu'il est toujours interdit de lire les scans de manga sur internet et que la maison d'édition Shueisha a demandé l'arrêt de la distribution des roses. Hey Wan, je viens de télécharger le dernier chapitre de Bakuman, ça déchire. Moins fort, Hachi. Côté goodies, à noter la mise sur le marché d'une peluche immonde attachée de Chobits ainsi que le Plexus 2001, toute nouvelle armure de combat pour le fameux sport d'Angelic Killer. En tout cas, si vous avez assez de fric pour ça, vu que les premiers modèles taperont au-dessus du million d'yens. Ah, on vient également de m'apprendre qu'une très grande firme de textile nippon a acheté les droits de la série Judo Boy pour créer somme toute un kimono plus fort que la mort. Allez, tout de suite, une petite séquence post-habit. Petit souci technique, veuillez nous excuser, la console n'a pas supporté cette chanson. C'est du direct, bref, on enchaîne avec la rubrique Nouvelles Technologies. Tout à fait, Juan, et aujourd'hui je vous ai concocté un petit assortiment next-gen de toute beauté. Un magnifique HVD que j'ai obtenu tout à fait illégalement dans le bureau du directeur. Mais qu'est-ce donc que cela ? J'allais y venir. Il s'agit de la technologie tout à fait authentique du Holographic Versatile Disc. Un support de stockage 160 fois plus important que le Blu-ray. Enfin, c'est pas encore pour tout de suite qu'on va pouvoir se payer. La tonne de hentai qu'on va pouvoir y mettre. Qu'est-ce que vous nous avez apporté d'autre ? Une génialissime mais ultra perfectionnée clé du millénium. Confectionnée par des moines tibétains dans le plus grand secret, elle permet de rentrer dans l'esprit des gens et de le modifier à volonté. Et tout cela pour la modique somme de 15 800 yens, Ronald. Les prototypes obligent, nous devrons la rendre à des gens mal intentionnés à la fin de cette émission. Et voici le bonus que vous attendiez dans Jingle. Si tu as besoin d'aide, quand ton ciel devient gris, allume la radio, c'est parti. Juan et Hachi sont à l'écoute pour partager tes secrets. L'école terminée, es-tu prêt? Si tu appelles au secours sans jamais perdre un instant, les uns te guident à court, on est toujours présent. On est toujours présent. Tout de suite, un appel d'un auditeur en détresse. Salut, moi c'est Koa. J'appelle parce que j'ai perdu ma sœur. Koa ? Koa McLagoon ? Le prétentieux de deuxième année ? Mais non, pas du tout. Moi je suis de chez les Cobras. Parce que tu crois qu'on t'entend pas appeler de ton portable dans le dortoir d'en face ? Ramène tes fesses ici et que ça saute. Très bien, j'arrive. Et Koa nous rejoint sur ce plateau. Salut les mecs. J'écoute votre émission depuis longtemps, je suis super fan. C'est ça, c'est ça. Alors c'est quoi l'histoire avec ta sœur ? C'est celle de troisième année, c'est ça ? Bah ça fait plus de 2 heures que j'ai plus de nouvelles d'elle. Elle ne répond pas au téléphone et elle était censée me filer un coup de main pour la rédaction sur le boycott des figurines érotiques pour le cours de défense contre les mangas hentai. Où est-ce que tu l'as vue pour la dernière fois ? C'était dans le temple du poisson, mais je n'y retourne plus depuis que quelqu'un a vomi partout. J'ai justement préparé un dispositif de radio portatif pour des cadences genre. Mettez ça sur votre dos, mon cher Hachi. On a peu serré, mais ça va. Essaye, micro, essaye. Nous y allons, Koa. Reste ici, nous trouverons ta sœur. Nous nous dirigeons en ce moment même vers le temple du poisson, situé quasiment tout en haut de Jovar. La pression est énorme. La foule en délire nous fait des signes d'encouragement. Nous contournons à présent la statue du chevalier d'Andromède et nous traversons le cimetière des étudiants suicidaires. Et nous voici à l'endroit désigné. Il s'agit du seul temple en forme de cercle, également lieu de cours habituel pour la matière manga. L'endroit est désert, peu accueillant. Kwa ne nous a pas menti. Des flaques immondes sont semées un peu partout. Quelqu'un n'a sûrement pas supporté des nems d'hier soir. D'ailleurs, trouvons un endroit un peu moins écœurant si vous voulez bien, Ronald. C'est les toilettes des filles ici, Hachi. Je crois que c'est occupé. Non, mais j'ai juste besoin d'un peu d'eau. Étrange, les canalisations doivent être bouchées ici. Regarde ça, sous le robinet, il y a un symbole gravé. Oui, on dirait un bisounours. Hé, Hachi, parle en bisounours pour voir. Et pourquoi je saurais parler bisounours, moi? Bon, j'essaie quand même. Bon, tout petit passage secret. Ouvre-toi et je te ferai un gros câlin. Ça a fonctionné! Waouh, c'est incroyable, chers auditeurs! Nous nous trouvons en face du fabuleux mais néanmoins mythique sanctuaire des secrets! Incroyable! On peut y trouver des estampes dessinées à la plume et autres porte-bonheur japonais qui datent au moins du siècle dernier. Cela va faire le bonheur des spécialistes en autocollagie. Et ici, j'aperçois des vinyles de Bernard Minet et des Dorothée Magazine. Et moi, j'ai trouvé des VHS de Gatchaman et la série complète des Shaman King! Mais attendez, les gars! Ma sœur. Ta sœur, elle dégueule partout, elle chiale dans les chiottes parce qu'elle est enceinte. Quoi? Sur ce, chers auditeurs, on se retrouve demain pour un nouveau Kamisama Show! A bientôt! Bah c'était plutôt sympa, tu crois qu'on aura combien au projet? Je sais pas, j'espère au-dessus de la moyenne en tout cas.